Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue sur Radio Gemozo 107FM. Je me présente, je m'appelle Chris et je suis le nouvel animateur de Radio Gemozo, et je serai aux commandes de la toute nouvelle émission intitulée La Christoire du cinéma. Et ceci est ma toute première émission. Dans ce programme, je vous promets de la connaissance et de la bonne humeur. Nous traiterons d'abord, et en majeure partie, de l'histoire du cinéma, de sa création aujourd'hui, mais également des différents genres de films, des tout premiers westerns en noir et blanc, aux récents films de super-héros en couleur, en passant par les films d'horreur. Nous parlerons également des effets spéciaux des plus anciens, comme pour Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès aux plus récents, comme pour Avengers, ou pour les films d'action, comme Mission Impossible ou encore Transformers, pour constater l'évolution majeure du cinéma et de ses techniques. Pour débuter en beauté, quoi de mieux que de commencer par le commencement, à savoir la naissance du cinéma. Le cinéma est né en 1895. À cette époque, beaucoup de chercheurs sollicitaient une voire plusieurs solutions pour tenter de mettre des images en mouvement dans le but de recréer la vie en s'appuyant sur les progrès de la photographie, qui est quant à elle apparue dans les années 1820, ce qui fut assez difficile en sachant qu'à cette époque, nous avions moins de moyens qu'aujourd'hui. C'est grâce au physicien et mathématicien Joseph Plateau, né le 14 octobre 1801 en région bruxelloise et décédé le 15 septembre 1883 à Gand en Belgique, que nous avions découvert en 1829 que la rétine mémorisait une image plus longtemps qu'elle ne la voyait. C'est le principe qu'on appelle de la persistance rétinienne qui permet de donner l'illusion du mouvement lorsque l'œil est soumis à une fréquence de 12 images par seconde. De nos jours, en revanche, les cinémas utilisent des mécanismes qui permettent d'avoir une meilleure qualité d'image grâce au fait qu'ils recourent à un système de 25 images par seconde, contrairement à 16 images par seconde au temps du cinéma muet qui a disparu dans les années 1925, pour laisser place aux premiers films parlants, qui étaient en réalité des films chantants. Au fur et à mesure du temps, se succède le tomatrope, créé en 1825, qui est un jouet optique qui exploite le phénomène de persistance rétinienne. En termes plus descriptifs, le tomatrope est constitué d'un disque en carton ou en papier sur lequel est dessiné un oiseau sur le recto et sur le verso il y a une cage. De chaque côté de ce disque, nous avons un bout de ficelle ou un élastique à tirer, ce qui fera tourner le disque et les deux dessins, l'oiseau et la cage, se superposeront, ce qui fera croire à notre rétine que l'animal est dans la cage. Cet objet aurait été commercialisé pour la première fois en 1825 par John Ayrton Paris, physicien londonien. Ensuite, en 1833, nous avons découvert le zoétrope, qui se fonde sur la persistance rétinienne, et l'effet phi, qui est l'association visuelle de mouvements provoquée par la perception d'images perçues successives et susceptibles d'être raccordées logiquement par un déplacement ou une transformation. Le zoétrope donne donc l'impression de mouvement d'un personnage dessiné et a été inventé simultanément par William George Horner, mathématicien britannique, et par l'Autrichien Stampfer. En 1877, nous avons eu le praxinoscope, créé par Émile Reynaud, qui garde le même principe que les objets cités précédemment. En 1893, le kinétoscope vit le jour et fut créé par l'inventeur scientifique et industriel américain Thomas Edison et en partenariat avec William Kennedy Laurie Dixon, qui était un inventeur, producteur, directeur de la photographie, réalisateur, scénariste et un acteur britannique. La culture populaire associe la création du cinéma aux frères Lumière. Mais en réalité, Louis et Auguste Lumière ne sont à l'origine ni du premier film, ni de la première projection. En effet, l'année précédente, l'Américain Thomas Edison, dont j'ai parlé un peu plus tôt, avait exploité son kinétoscope, mais à usage strictement individuel. De plus, avant la projection inaugurale des Frères Lumière le 28 décembre 1895, Jean Leroy avait projeté des images animées en public en février de la même année, à Clayton, aux États-Unis. C'est en réalité lui qui a inventé le cinématographe en 1893, alors que l'invention des Frères Lumière était appelée kinétoscope de projection et non cinématographe. En réalité, le cinéma a été inventé par Léon Bouly en 1892, mais ce sont Auguste et Louis Lumière qui ont déposé le brevet le 13 février 1895. C'est pour cela donc que le cinéma est souvent, enfin la création du cinéma est souvent associée aux Frères Lumière et non pas à Léon Bouly. Les Frères Lumière tournèrent quelques films en 1894 et ont effectué des projections privées en 1895. Le 28 décembre de cette même année, les deux frères décidèrent d'organiser une projection publique payante au Salon Indien du Grand Café à Paris. C'est donc pour cela que cette date est communément retenue en France comme étant la naissance du cinéma. Au programme de cette projection, les spectateurs avaient eu droit à l'arroseur arrosé d'une durée de 1 minute, à le repas du bébé d'une durée de 1 minute également, et à la sortie de l'usine Lumière à Lyon qui faisait la même durée. Et ces trois films étaient donc réalisés par les Frères Lumière. À la différence des autres outils de projection, le cinématographe Lumière, à la fois caméra, tireuse et visionneuse, passera devant les autres procédés de reproduction de mouvements utilisés jusqu'à cette date, comme le kinétoscope d'Edison. Exploité dans les salles de fêtes foraines, le cinéma devint rapidement un art populaire. Charles Pathé, industriel français et producteur de films pour le cinéma, a envoyé des caméramans à travers le monde entier pour en ramener des scènes typiques sous forme de documentaires. Les premiers films, pour vous donner une petite idée, traitaient d'amour, d'épopée, de là sont nés les tout premiers westerns, et de burlesque. Georges Méliès, réalisateur et illusionniste français, fut le précurseur en termes d'effets spéciaux. En effet, il a réalisé Le Voyage dans la Lune avec des effets spéciaux en trompe-l'œil. Il expérimente toutes sortes de techniques empruntées au monde des illusionnistes. Ce film est sorti en France le 1er septembre 1902 et était long d'une durée de 13 minutes. De plus, ce film a donné naissance à un genre désormais très connu, la science-fiction. Si Auguste et Louis Lumière furent déterminants dans l'invention de la machine qui rend possible la naissance du cinéma, c'est bel et bien Méliès qui, le premier, fait du cinéma. En d'autres termes, c'est Méliès qui invente et crée autre chose qu'une simple vue d'une entrée en gare ou de personnes en mouvement. C'est ainsi que se termine la première édition de la Crise Histoire du cinéma. Dans la prochaine émission, nous traiterons plus en détail et plus en profondeur du cinéma muet et de ses précurseurs comme le très connu Charlie Chaplin. Cependant, vous pouvez commenter l'émission que vous venez d'écouter à l'instant sur notre page Facebook Radio Gamozo ou pourquoi pas nous appeler au 03 29 62 40 40. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre. C'était Chris, et restez bien à l'écoute de Radio Gamozo 107 FM. À très bientôt.